Je mène ma vie comme je l'entends, tout en sachant que j'aime faire la sourde oreille. Tout est confus dans ma tête, j'ai mon frigo qui me pousse à faire de l'oseille. Mais pour le moment, je fais des heureux, pas des euros. Et j'appréhende vraiment quand elle apprendra que son père n'est pas un héros. Laisse-moi courir après mes rêves, à ce qui est plus sport, c'est la santé. Pas indécis dans l'indécent, j'ai conscience qu'on est désenchanté. On s'illusionne, on se révolte, on se résigne. Je fais de l'art abstrait en attendant que mon avenir se dessine. Je fais preuve de mauvaise foi, t'es un pêcheur. Le comble pour un MC du Nord, c'est de te ramener de la fraîcheur. Et quoi que les gens disent, j'ai pas l'intention de me repentir. La rage que je mets derrière le mic, si t'as du flair, tu vas la sentir. Comment te dire? Moi, tout ce que je veux, c'est frissonner. En concert, comme en cabine, on mouille le maillot comme des passionnés. Et je gratte ma vie quand j'ai pas sommeil. La chance me passe sous le nez. Le marchand de sabbat finit par me semer. J'ai toujours cette mélodie dans la tête. Je continue d'avancer, même si c'est pas la fête. Je cours après l'argent à croire que le temps s'achète. J'ai toujours cette mélodie dans la tête. Je continue d'avancer même si c'est pas la fête. Je cours après l'argent à croire que le temps s'achète. Et je côtoie souvent la brume. Cette sensation de légèreté qui bien souvent vient alourdir ma plume. J'ai vu les grands se prendre pour des macs. J'ai un cœur en or, ouais. Mais j'ai quand même giflé les profs de maths. Drôle d'enfance, le bloc était mon rempart. Impossible de prendre les gens de haut car on traînait en bas, ouais. Pas de femelles dans notre bande, pas de love à prendre. De toute façon, s'il y en avait eu d'une, tout le monde bande. Et maintenant on a grandi, on n'a plus les mêmes soucis. Je pense à mes filles, donc maintenant je fais attention aux soucis. Je te jure, c'est l'image que je laisse paraître. Comment donner l'exemple d'une personne que je ne pourrais pas être, hey. Et que penses-tu du monde dans lequel on vit? Là où les hommes s'empressent de dire que la vie est moche, donc me battre, j'en ai aucune envie, hey. Tout le monde veut s'enrichir, frère. Je suis grave, tu perds à remplir tes poches. Ben oublie pas que ton froc, tu le perds. J'ai toujours cette mélodie dans la tête. Je continue d'avancer même si c'est pas la fête. Je cours après l'argent à croire que le temps s'achète. J'ai toujours cette mélodie dans la tête. Continue d'avancer même si c'est pas la fête. Je cours après l'argent à croire que le temps s'achète.